Exercice 4, page 31. A. Mes parents ont faim. B. Tes cousins ont soif. C. Ses neveux ont froid. D. Notre bébé a chaud. E. Votre mari a peur. F. Leur parrain a mal.